بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim. Par l'écriture explicite, certes, nous l'avons révélé par une nuit bénie, et nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. Une nuit durant laquelle tout sage commandement est décidé. En vertu d'un ordre émanant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers. À titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, et c'est lui qui entend tout et sait tout. Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui existe entre les deux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction, nul Dieu autre que lui, il donne la vie. Et il donne la mort. Il est votre Seigneur et celui de vos premiers ancêtres. هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا Et pourtant, ils demeurent dans le doute et continuent de s'amuser. Eh bien, attends le jour où le ciel produira une fumée visible, qui enveloppera les gens, ce sera là un cruel tourment. Ils diront, Notre Seigneur, délivre-nous de ce tourment, certes, nous croyons maintenant. Comment sera-t-il encore temps de croire pour eux ? Alors qu'un messager leur exposant clairement la vérité était déjà venu vers eux. Ils s'en étaient détournés en disant « C'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Si nous suspendions momentanément le châtiment, vous retourneriez à la croyance. Le jour où nous les saisirons de la façon la plus violente, ce sera alors notre revanche. » ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Et avant eux, nous avons éprouvé le peuple de Pharaon quand vint à eux un noble messager qui leur dit: Livrez-moi les serviteurs de Dieu, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ne vous montrez pas hautain vis-à-vis de Dieu, car je vous apporte une preuve évidente. Et certes, je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur, pour que vous ne me lapidiez pas à mort. Si vous ne voulez pas croire en moi, du moins laissez-moi tranquille. Il invoqua alors son Seigneur. Ces gens sont des criminels. Il lui fut alors révélé: Pars de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Et laisse la mer béante après ton passage, car ce sont des armées vouées à la noyade. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux. Que de vergers et de superbes demeures. Que de délices au sein desquels ils se réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous en fîmes hériter un autre peuple. Ni le ciel ni la terre ne les pleura, et aucun sursis ne leur fut accordé. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Nous avons certes délivré les enfants d'Israël du tourment humiliant. Nous les avons libérés du joug de Pharaon, qui était un tyran arrogant et excessif. Et nous les avons élus à dessein parmi tous les autres peuples de leur époque. Et nous leur avons donné des signes qui constituaient une épreuve certaine. موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Les Mécois disent: Il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons point ressuscités. Fais donc revenir nos ancêtres, si vous dites la vérité. Se croient-ils meilleurs que le peuple de Touba et ceux qui les ont précédés? Nous les avons anéantis parce qu'ils étaient criminels. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَن مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. En vérité, nous les avons créés dans un but précis, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le jour de la décision sera assurément le terme assigné à chacun d'eux pour comparaître. Ce sera un jour où aucun ami ne pourra intercéder pour son compagnon, et ils ne recevront aucun secours, à l'exception de celui à qui Dieu fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le tout miséricordieux. Inna shajarata az-zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalli al-hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. L'arbre de Zaqqum, nourriture du pêcheur, tel le métal fondu, il bouillonne dans les ventres, du bouillonnement de l'eau surchauffée. Qu'on le saisisse et qu'on le traîne jusqu'au centre de l'enfer, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Régale-toi, toi qui prétendais être le puissant, le noble, voilà ce dont vous doutiez tant. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. Les pieux seront dans un endroit sûr, parmi des jardins et des sources, vêtus de soie et de brocart, installés face à face. Il en sera ainsi, et nous leur donnerons pour épouses des femmes aux grands yeux. En toute quiétude, ils y demanderont toutes sortes de fruits. Là, ils ne goûteront plus à la mort après celle qu'ils auront déjà subie, et Dieu les préservera du tourment de l'enfer. Par l'effet d'une grâce de sa part, tel sera le triomphe suprême. فارتقب إنهم مرتقبون. Nous n'avons rendu ce Coran plus accessible dans ta propre langue. Qu'est-ce content qu'il se rappelle. Attends, ô Mohammed, eux aussi attendent.